tulipotea. Mais ton amour t'a influencé. Lakini mapendo yako ilikusukuma. De venir nous chercher dans la boue. Kuja kututafuta mu matope. Afin de payer notre prix du rachat. Ili kutulipia bei ya ukombozi. De nous nettoyer. Ya kutuosha. Pour que nous puissions paraître devant ta présence. Ju tuonekane mbele ya uwepo wako. Seigneur, merci pour tout cela. Bwana asante juu ya ile yote. Pour ce sang qui a été versé. Juu ya ile damu ile ilimwangika. Merci pour le message du temps de la fin. Asante juu ya ujumbe ya wakati ya mwisho. Pour la vérité que tu nous as révélée. Juu ya ukweli ulitufunulia. Afin de remettre la vérité sur le chandelier. Ili juu ya kurudisha ukweli pa kinara. Merci pour les serviteurs que tu nous envoies. Asante juu ya watumishi unatutumia. Pour nous annoncer la vérité de l'évangile. Dieu a kututangazia ukweli ya Mungu. Afin que nos âmes soient éclairées. Ili manafsi yetu yangaziwe. Et que nous soyons sauvés. Na tupate kokolewa. Merci pour ces frères et sœurs. Asante Dieu ya banduku na badada. Qui tu as mis la soif de venir écouter. Bale ulipatia kiu ya kuja kusikia. Ils sont fils d'Abraham. Dieu ni batoto ba Ibrahim. Seigneur, maintenant descends. Bwana sasa hivi ushuke. Et élève-nous dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Na utunyanyue pale pa mbingu ndani ya Yesu Kristo. Que tout se fasse pour ta gloire. Yote faniwe juu ya utukufu wako. Au nom de Jésus-Christ. Mu jina ya Yesu Kristo. Te prions ainsi. Tunakuomba hivi. Amen. Amina. Deuxième chronique au chapitre 14. Mambo ya siku ya pili sura yake 14. Dans son verset 1 jusqu'au verset 5. Mustari ya kwanza kufika na mustari ya 5. Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel son Dieu. Asa akafanya kitu kizuri na kya kunyoloka mbele ya macho ya wa milele Mungu wake. Il fit disparaître les autels de l'étranger et les hauts lieux. Alitosha mafazi ya kuabudia ya miungu ya kigeni. Il brisa les statues et abattu les idoles. Alipomona bankishi na masanamu. Il ordonna à tout Juda de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères. Ariagizi ariamuru Juda yote muzima bamutafute wa milele Mungu wa baba zao. Et de pratiquer la loi et les commandements. Na wapate kutumikia sheria na maamuri. Il fit disparaître de toutes les villes de Juda, les hauts lieux et les statues consacrées au soleil. Aritosha, mumamiji yote ya Yuda, pali pa kuabudiwa na ya miungu yote yenye kutolewa kule kwa sanamu yua. Et le royaume fut en repos devant lui. Na ufalme ikekala mu mapumziko mbele yake. Il bâtit des villes fortes en Juda. Arienga mamiji ya ngufu mule muyuda. Car le pays fut tranquille. Kwani inchi ilikuwa katika salama. Et il n'y pas de guerre contre lui pendant ces années-là. Akukwe mavita kumukombanisha mwile mamiaka ile. Parce que l'Éternel lui donna du repos. Kwani wa milele alimpatia mapumziko. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Bwana Mungu aongeze baraka kusomi wa neno lake. C'est depuis dimanche que nous parlons du règne du roi Asa, le fils de Jéroboam. Tangia siku ya juma tuko nasema yule ya utawala ya Asa, mtoto wa Jeroboam. Ce roi qui a fait des exploits au début de sa royauté. Huyu mfalme ulifanya maajabu kumwanjo ya ufalme wake. Il a fait de grandes réformes dans son royaume lorsqu'il fut devenu roi. Alifanya matengenezo mnene mu ufalme wake wakati ile alikuwa mfalme. Il s'était engagé à faire disparaître tous les dieux étrangers dans le royaume de Juda. Alitosha miungu yote ya kigeni mu ufalme ya Yuda. Et à cause de cela, Dieu lui donna du repos. Wajili ya ile Mungu alimpatia mapumziko. Nous avons montré comment pendant que cet homme était très puissant. Tulimionyesha namna kani mwili wakati huyu mtu alikuwa wa uwezo. Parce qu'il s'appuyait sur l'Éternel. Dieu a remtumainia wa milele. Ce qu'il a fait contre les ennemis qui sont venus l'attaquer. Il a rifanya kuadui wale walikuwa kumkombanisha. Nous avons dit beaucoup de choses là-dessus. Tulisema hapo vitu mingi pale. Vous avez les bandes. Matepe mko nayo. Vous pouvez réécouter cela. Kama mnaweza tena kuisikiliza mara tena. Et appliquer cela sur votre vie. Na kuiweka mu maisha yenu, kuitumikisha. Et vous aurez la protection et la bénédiction de l'Éternel. Pale njoo mtapata ulinzi na baraka ya wa milele. On veut ajouter quelque chose. Tunapenda kuongeza kwa kitu kidogo. Encore une fois de plus. Mara tena. Remarquez quelque chose de particulier. Tazameni kitu ya upekee dans le règne d'Asa. Mutawalo ya mfalme Asa. Pendant qu'il était en sécurité dans son royaume, wakati ile alikuwa katika ukingo mfalme yake, le péché commençait à se glisser. Zambi ilianza dans son royaume. Zambi ilianza kujiingiza mfalme yake. Et pourtant il avait Dieu. Japo yeye alikuwa na Mungu. Il avait des hommes de Dieu. Alikuwa na watumishi ya Mungu. Il avait rétabli, il avait restauré la loi. Arirudisha sheria. Il avait un souci très profond de chercher Dieu. Alikuwa na hangaiko ya upana ya yeye kumtafuta Mungu. Et c'est ce qu'il fit. Na ndio ile alifanya. Mais en même temps, pendant qu'il faisait ça, alakini mwakati moja moja wakati alikuwa anafanya vile, comme Satan est très rusé, sawa vile shetani anekalaka mujanja sana, le même roi qui cherchait l'Éternel, ule mfalme moja moja ule alikuwa anamtafuta wa milele, fut séduit à un certain moment. Alitongozwa kwa muda mwafulani. Et lui ne le savait pas. Lakini yeye asikuijua asema anatongoziwa. Il alla dans les montagnes d'Ephraïm. Alienda mumilima ya Ephraimu. Et là il y prit quelques abominations. Na mule namo alichugua mo makufuru fulani. Quand je lisais ça, je dis c'est terrible. Dieu ne l'avait pas encore abandonné. L'église est avec moi. Dieu ne l'avait pas encore abandonné. Mais pendant que Asa était encore puissant, lakini wakati ile Asa alikuwa angaliki wa nguvu, en sillonnant le royaume de Juda, mukutembea mufalme ya Yuda, lorsqu'il est allé dans les montagnes d'Ephraïm, wakati alienda milima ya Ephraimu, il a dit emporter avec lui les abominations, alienda kubeba mu makufuru, qui ne plaisait pas à l'Éternel. Il est aikumupendeze wa milele. Comme il y avait encore de bonnes choses dans son cœur. Sawa vile mumoyo wake mulikuwa mukingariki vitu bizuri. Il n'avait pas encore abandonné totalement Dieu. Alikuwa yebalo kumwacha Mungu kabisa kabisa. Mais il commençait à s'incliner dans le mal. Alakini aranza sasa ni kuegamia kububaya. L'amour de Dieu à son égard. Mapendo ya Mungu kwake. Dieu par amour de Dieu. Kwa mapendo ya Mungu, Dieu lui envoya le prophète Azaria. Mungu alimutumia nabii Azaria pour l'avertir. Juu apate kumukalamusha. C'est vrai. Bia kweli. Souvent, lorsque nous enseignons et nous disons, kila mara wakati tu kunafundisha na kusema, quand un homme ou une femme devient prospère et si de lui-même il est déjà tombé, souvent les gens ne comprennent pas ça. Kila mara wakati tu kunasema, wakati mutu anastawi, anaendelea, anakuwa na hakikisho yake yeye mwenyewe, pale anashanguka, batu abaelewe. Si il y a un temps, kama kukwako wakati, dans lequel un véritable chrétien doit veiller beaucoup plus, mule mukristo wa biakwiri anapashi kukesha zaidi, c'est au temps de sa paix. Ni mwakati ile komu salama. La paix dans ta vie, salama mu maisha yako. La paix dans ton foyer, salama mu jamaa yako. La paix dans l'église, salama mu kanisa. Témoigne de la présence de Dieu. Iko na shuhudia kwamba Mungu yuko hapo. Mais cela n'est pas encore une garantie. Alakini ila hii yako hakikisho. Parce que le voyage est encore devant vous. Juu safari ingariki mrefu mbele yako. Il faut veiller. Inapashi ukeshe usopoke. Quand quelqu'un se sent en paix, wakati mtu anajiona kuwa katika msalama, le péché commence à s'infiltrer en lui, zambi, ou autour de lui, mais pas qu'il le sache. Zambi inaanza kumzunguka wala kumuingiriria bila yeye kujua. Souvent, nous nous étonnons des comportements des gens. Kila mara tunekalaka tu kunashangaa namna ya kutenda ya batu. Parce que nous ne considérons pas la parole de Dieu. Dieu si c'est à tuangalie neno la Mungu. Quand vous remarquez, quand vous voyez quelqu'un tomber aujourd'hui, wakati munaona mtu anaanguka leo, en réalité ce n'est pas aujourd'hui qu'il est tombé. Katika ukweli aina leo njo ila anaanguka pale. Il avait déjà commencé à abandonner la parole de Dieu. Alianzaka zamani kuacha neno la Mungu. Mais comme la séduction, sawa vile utongozi, ne vient pas d'une manière visible, aiku yake munamuna dans les premiers temps à tout le monde, wakati ile ya kumwanjo, même à celui qui tombe, hata ndani ya ule kunanguka. Quand quelqu'un maintenant est sur la voie de la séduction, wakati mtu anakuwa munjia ya utongozi, il ne remarque pas kila mara ashionake l'esprit de séduction qui l'anime, ashionake ile roho ya utongozi ile kuna msukuma. On lâche pas Dieu en grand ou directement. Awachake Mungu mala moya kwa ghafla, pana. Ça commence dans des petites choses. Inanzaka ni mutubintu tuloko tuloko. Des choses des fois qu'on néglige. Sa zingine tubintu tuloko na sula. Parce que Dieu devient ordinaire. Juu Mungu anaonekana sasa ni wabule. Et l'homme commence à penser. Mtu anaanza kuwazia. Et même si j'ai fait ça. Hata nikifanya hivi. À cause de la multitude de choses, de bonnes choses que j'ai déjà faites. Sasa bile bintu bile mine. Je ne peux pas remarquer ça, c'est rien. Mungu ashezi kubihesabia hivi ya mina mambo. Non, mes bien-aimés frères et sœurs. Hapana, bantu kuna badada bapendwa. Ne faites jamais cette erreur là. Mshifanye kama ile kosa. C'était le début du déclin ya kuanguka du royaume de Juda. Kwa ufalme ya Yuda. Mais Asa ne comprenait pas. Alakini Asa yeye asikuelewe. Mais lorsque Dieu lui envoya le prophète Azaria, wakati le Mungu alimtumia nabii Azaria, le prophète Azaria, huyu nabii Azaria, vint devant Asa, akakuja mbele ya Asa. Il vient parler à tout Juda, à tout le peuple de Juda. Alikuwa kusema na taifa yote ya Yuda. Il vient parler à Benjamin. Na anakuwa kusema na Benjamin. Il dit, écoutez. Anasema sikilize. Et prêtez l'oreille. Na muteke sikio. Asa pouvait se poser la question de savoir. Asa aliwezi hata kujiuliza ulizo. La présence de ce prophète est venue me louer. Manake huyu nabii anakwani kunitapa kunisifu. Parce que j'ai détruit les olives. J'ai fait disparaître beaucoup de statues dans le royaume. Mina pomona ma sanamu ya mingi mufalme. C'est pour m'encourager. Na waza na kwa ni kunitia moyo, kunikankamisha. Mais Dieu avait une parole d'avertissement. Alakini Mungu yeye alikuwa na neno ya ukalamusho. Écoutez-moi, le peuple de Kambo. Munisikilize taifa ya Mungu ya Kambo. Quand Dieu commence à t'avertir. Wakati Mungu anaanza kukalamusha. Quand Dieu commence à avertir un homme, un foyer, ou un peuple, cela signifie que cet homme-là s'est déjà engagé dans la voie du mal sans le savoir. Et Dieu ne veut pas que le pire l'arrive. Quand Dieu commence à avertir quelqu'un, cela signifie que ce dernier a déjà emprunté la voie du mal, mais sans que lui-même ne le sache. Alakini bila yeye mwenyewe kuijua. C'est là où réside la séduction. Pale njo peko utongozi. Un séduit ne connaît pas qu'il est séduit. Na, mwenye kutongoziwa, ashitambua kiasema anatongoziwa. Quand quelqu'un emprunte la voie du mal, il ne connaît pas qu'il emprunte la voie du mal. Wakati mtu anaingia munjia bubaya, ashitambua kiasema ku munjia bubaya. Je m'arrête un peu ici. Nasimamia kwanza. Je donne un exemple terre à terre. Naleta mfano tu ya chini. Remarquez quand une jeune fille de 14 ans ou de 15 ans embrasse la voie des garçons. Mwangalieni wakati binti wa miaka 14-15 ananza njia ya wanaume. De fois cela n'est pas encore arrivé à l'acte ou aux actes. Sa zingine yewa lukufika atamu kutenda kitendo. Mais qu'est-ce que vous remarquez? Sasa ni nini ile mutaona? Il y a une soif profonde dans cette jeune fille de découvrir les hommes. Munakuwa kiu ya mno ya upana ndani ya ule binti apate kujua banao. Kila inyao kemal. Kufikia na pale hapa ya kwa kibaya. Pour un homme insensé. Kwa mtu mjinga atasema hapana kibaya. Unaona ndugu mpeni. Jusque là. Kufika na pale. Elle ne trouve pas de mal. Ashaona mkibaya. Avec les hommes. Kusumbulia na banaume. Ce n'est pas un problème. Hapana kibaya. Même un garçon. Hata mwanaume. Qui embrasse la voix des filles. Ula ningia munjia banamuke. Il a dans son cœur yake, une soif profonde, et une attraction vers les filles. Et ufuto mbele il veut se sentir heureux en jone, compagnie des jeunes filles. Jusque là, il n'y a pas un problème. Même lorsque vous kibaya, allez voir un garçon ou une fille qui est dans cet état, tu lui dis, fais très attention, tu peux devenir une prostituée. Il peut même se fâcher contre vous. Anaweza hata ukushirikia. Vous me prêtez des intentions. Huku nanizania mabibi, unaniwazia bibaya. Ce sont seulement mes amis de l'école. Ni marafiki, ce sont mes amis du quartier. Ni marafiki tu wa moi je ne peux pas faire cela. Nishetu kufanya kile kitendo. Elle peut se fâcher contre toi. Anaweza hata ukushirikia. Et même taïe. Hata ukuchukia. L'église est avec moi. Je m'arrête là. Je déjà compris. Vous voyez ce qui est arrivé à ça. Dieu n'est pas venu comme ça. Il n'a pas envoyé son serviteur comme ça pour parler au cœur d'Assa et au cœur de Juda. Comme Dieu connaît toutes choses, il connaît la fin d'une chose qui est son commencement. Il connaît la fin de tout homme. Il connaît la vie de tout homme. Il connaît les sentiments de tout homme. Il connaît les voies que l'homme empruntera. Quand Dieu a vu qu'Assa et Juda avaient déjà emboîté la voie du mal, quand il est abandonné totalement, alors il envoya son serviteur Mungu alivatumia mtumishi wake. Les hommes lisent ça littéralement. Mina penda kuisoma paka vile. Dans deuxième chronique. Mambo ya siku ya pili. Au chapitre 15. Sura yake 15. Dans son verset 1. Musari ya kwanza. Jusqu'au verset 2. Kufika na musari ya pili. L'église est avec moi. Kanisa nafuata. L'esprit de Dieu. Roho ya Mungu. Fils sur Azaria. Fils d'Oded. Ikakwa yulu ya Azaria mwana wa Obed. Oded. Oded. Vous voyez? Unaona? Et quand l'esprit de Dieu fut assis sur Azaria. Wakati roho ya Mungu ilikuwa yulu ya Azaria. C'était avec une mission particulière. Ilikuwa ni juu ya kazi fulani ya upekee. Et Azaria alla au-devant d'Asa et lui dit. Na Azaria akaenda mbele ya Asa na kumwambia hivi. Écoutez-moi, Asa. Unisikilize we Asa. Et tout Juda. Na Yuda mzima. Et Benjamin. Na Benjamina. Écoutez la réflexion. Musikilize makalamusho. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Wa milele ko pamoja na mweye wakati mko naye. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Wakati mkimtafuta mtampata. Si vous l'abandonnez, kama mkimwacha, il vous abandonnera aussi. Naye atamiacha. Quel avertissement drôle. Makalamusho kani. Écoutez Asa. Usikilize we Asa. Tu as bien commencé. Ulianza mzuri. Ton cœur était attaché à l'Éternel. Moyo wako iliambatana na wa milele. Tu as fait ce qui est bien, ce qui est droit devant l'Éternel. Ulifanya kitu kizuri na kia kunyoloka mbele ya wa milele. Tu as fait disparaître les hauts lieux et les statues en Juda. Ulitosha mafazi ya kuabudia masanamu na masanamu mu Yudea. Tu as cherché l'Éternel. De tout ton cœur. Na moyo wako wote. Vous avez pratiqué les lois et les commandements de l'Éternel. C'est bien. Vous voyez, Dieu vous a donné le repos. Mungu anaipatia mapumziko. Vous êtes en repos. Mungu katika mapumziko. Vous mangez. Vous buvez. Unakunywa. Vous voyez. Unaona. Et na, vous baptisez de villes fortes. Unajenga ma miji ya nzuri. Que l'Éternel soit loué. Bwana Mungu asifiwe. Très bien. Ni mzuri sana. Mais écoutez, Asa. Anakini Juda et Benjamin. Asa na Yuda mzima na Benjamin na msikie. L'Éternel wa milele est avec vous. Ego bana pamoja na mweye. Quand vous êtes avec lui. Wakati mko naye. L'Éternel wa milele est avec vous. Eko na mweye. Quand vous êtes avec lui. Wakati mko naye. Quand vous tenez l'Éternel. Wakati unamshika wa milele. Lui aussi vous tiendra. Naye atakushika. Lorsque vous aimez l'Éternel. Wakati unampenda wa milele. Lui aussi vous aimera. Naye atakupenda. À l'amour. Umapendo. On répond par l'amour. Anajibia kumapendo. À la fidélité. Uaminifu. On répond par la fidélité. Naye anajibu na uaminifu. Asa, as-tu compris? Eti asa unaelewa? Si vous cherchez l'Éternel, kama ukimtafuta umilele, vous le trouverez. Mtampata. C'est pourquoi Joko. Vous l'avez cherché. Mulimtafuta. Vous l'avez eu. Na mulimpata. Que le Seigneur soit loué. Bwana Mungu asifiwe. Mais, alakini, si vous l'abandonnez, kama mukimwacha, il vous abandonne. Naye atamiacha. Quel avertissement. Makala mushokani. Un avertissement clair. Makalamusho ya wazi. Sans interprétation. Bila matafsili yote yote. Quand Dieu vient avertir à ça, wakati Mungu anakuwa ne dorme pas. Asa, musilale. Quand Dieu vient avertir à ça, wakati Mungu anakuja mkalamusha asa. Il avait déjà un penchant. Jua alikuwa na tegemeo. Vers le mal. Ubibaya. Le royaume d'Israël était entièrement plongé dans la confusion. Il y a une kutumbukiza kabisa kabisa katika mfuruko. Quand Dieu, wakati Mungu, donna cet avertissement alileta imakalamusho à Asa, kwa Asa, le royaume d'Israël était complètement dans une confusion totale. Et Dieu ne voulait pas que le royaume de Juda avec Asa tombe dans la folie du royaume d'Israël. L'homme naturel, mutu wa asili, il a toujours un penchant vers le mal. Anekala kila mara na tegemeo ya mwenye kuigamia kuzambi kububaya. Des fois, frère, kila mara, vous pouvez voir un homme, une femme, mwanaume wala mwanamke. Il est bien avec Dieu. Eko tu mzuri mtalama wa Mungu. Il marche bien avec Dieu. Anatembea mzuri na Mungu. Il est apprécié par Dieu. Anafurahikiwa na Mungu. Il est apprécié par les hommes de Dieu. Watu wa watumishi wa Mungu wanafurahikia. Pas beaucoup de gens. Watu mingi wanamfurahikia. Dans son cœur Satan. Lakini mumoyo wake Shetani. Il est séduit pour lui dire. Anakuwa kumtongoza na Mungu. Dans le monde. Unaona mule mzuri. Il y a des bonnes choses que toi tu ne connais pas. Huko vitu vizuri bila wao ujue. Ces gens-là qui vivent dans le péché. Watu wanaishi mzambi. Ils ne sont pas soumis à la parole. Ils ne sont pas soumis à Dieu. Ils sont mieux que toi. Vaut mieux aller essayer un peu d'aller là, voir ce qu'il y a. C'est ainsi que les gens tombent. L'église est avec moi. Souvent l'homme naturel ne se satisfait pas de ce que Dieu fait de lui. Ashitosheke wala shifurahi monde naturel ici. Tu peux voir une sœur avec un très bon mari. Na bwana moya tu mzuri. Tu peux voir un frère avec une très bonne femme. Na bibi moya mzuri. Alakini, les démons viennent seulement les tromper. Pour dire pia. Non. Peut être mieux. Atelini anesikuwa mzuri kushindia bibi yangu. Japo ni biabongo. Kuna mamasons. Biabongo tu. C'est Satan. Ni shetani ule. C'est qui est arrivé à ça. Jo ile ilimufikia asa. Israël. Israeli. Était dans une confusion. Alikuwa sans nom. Alikuwa katika mvuruko ile ya shipo njina. Dans le royaume d'Israël, il n'y avait pas de vrai Dieu. Mungu wa kweli. Il n'y avait ni vrai Dieu, wala Mungu wa kweli. Ni véritable sacrificateur wala mkwani wa kweli. Qui pouvait enseigner à Israël la vérité. Kuna ruwezi kufundisha Israeli ukweli. En Israël, il n'y avait pas de loi. Mwisraeli amukwe sharia. Il n'y avait pas de sécurité. Amukwe ukingo. Le pays traversait des grands troubles. Mufuruko ya nguvu. Et même ça s'est contre-attaqué. Ils s'entre-dévoraient. Walikuwa najiuana, walikuwa najikombanishana. Ils s'attaquaient entre eux. Walikuwa nakombanishana bo wenyewe. Les villes d'Israël contre les villes d'Israël. Muji ya Israel inakombanisha muji ingine ya Israel. Ils étaient très agités. Ah, quand quelqu'un abandonne la parole de Dieu, neno la Mungu, il sera certainement agité. Atakuwa kabisa isa katika mangaiko. Dieu laissera les démons. Mungu atacha mademona. Venir agiter. Ikwe imwangaishe. Quand quelqu'un abandonne Dieu, wakati mutu akimwacha Mungu, Dieu laissera les démons Mungu atacha mademona venir dans les cœurs ou dans la vie de cet homme-là. Ikwe mumoyo, l'ajuster. Wala mumaisha ule mutu imwangaishe. Et ces démons-là. Na ile mademona feront ce travail avec la bénédiction de Dieu. Na baraka ya Mungu yenye kutumwa na Mungu. Dieu le laissera faire. Mungu atayacha ifanye vile. Parce que tu l'as abandonné. Juu unamuacha. Ils étaient très agités. Malikuwa katika mvuruko. Mangaiko. Imaginez. Mufigili kwanza. Un pays qui existe sans Dieu. Inchi ile iko hapo bila kuwa na Mungu. Sans un véritable serviteur de Dieu. Bila kuwa na mtumishi wa Mungu. Il pouvait enseigner au peuple la vérité. Mula alipashi kufundisha taifa ukweli. Un peuple peuple sans loi. Taifa bila sheria. Il y avait de l'insécurité partout dans le pays. Faziota kuko ukingo. Le pays traversait de grands troubles. Inchi ilikuwa napita katika mvuruko mnene. Et même s'attaquer les uns les autres. Wao wenyewe walikuwa nakomanishana pamoja kwa wengine. Il y avait beaucoup d'angoisse. Kuko angaiko mingi. Mais voilà le temps. Asa njo wakati. Kassa avait abandonné les voies de Dieu. Il commence à s'incliner. Ile asa naye anapenda ache njia ya Mungu, anapenda kuinama. Japo ufalme wake avait de la lumière. Ilikuwa na nuru. Son royaume avait Dieu. Ufalme wake ilikuwa na Mungu. Il avait des hommes véritables de véritables hommes de Dieu. Kwa watumishi wa Mungu ndio la vérité. Bale walikuwa na mafundisho. La loi de Dieu était là. Sheria ya Mungu ilikuwa hapo. Les hôtels. Mazabu. Où il pouvait aller adorer. Ule walipashi kwenda kwa Mungu. C'était propre, était encore là. Ilikuwa safi na ilikuwa hapo. C'est vrai. Bia kweli. Et Dieu pour par amour d'Asa. Mungu kwa mapendo ile alimpenda Asa. Dieu lui-même est venu. Mungu yeye mwenyewe alikuja. À travers le prophète, il lui dit. Kupitia nabii wake akamwambia. Écoute Asa. Usikilize wewe Asa. Comme le royaume de Juda est dans la confusion, de Jérusalem et d'Israël est dans la confusion. Vile ufalme ya Yerusalemu iko katika mfuruko. Et qu'il passe le moment d'angoisse. Navego napita mu wakati ya mateso ya mangaiko. Mais toi Asa, pour le bien que tu as déjà fait pour Dieu. Lakini wewe Asa, juu ya vizuri vile unashafanyia Mungu. Je t'encourage. Mina kutia moyo. Je t'exhorte. Na kusubutisha. Profitez-en. Ufaidie mu wakati. Et fortifiez-vous. Na uritie nguvu. Voyez. Unaona? Profitez-en. Ufaidie. Et fortifiez-vous en Dieu. Utie nguvu ndani ya Mungu. Vile uendelea kufanya vizuri. Kama iketi fee. Kwani kazi unafanya? Ora certainement un salaire. Itakuwa hakika na mshahara. Mapendo ya Mungu. Quel amour de Dieu. Ni mapendo kanile ya Mungu. Dieu vient dire ouvertement à ça. Mungu anakuwa kumwambia waziwazi hasa. Tu vois le royaume de ton frère. Unaona ufalme ya ule ndugu yako ya Israeli. Ils sont dans une confusion terrible. Beko katika mfuruko ya hatari. Ils sont dans l'angoisse. Beko katika mangaiko. Ils n'ont ni Dieu. Havana tana Mungu. Ni sacrificateur. Havana tana mkuani. Ils ne sont pas en paix. Havana msalama. Mais cela toi Asa. Sasa wewe Asa. Profitez de ce temps ici. Ufaidie juu ya hii wakati. Pendant que tu as repos. Wakati ile kumapumziko. Tu as encore Dieu. Wakati ile ungariki wewe. Fortifie-toi davantage en Dieu. Wewe endelee kulitia nguvu ndani ya Mungu. Vous voyez. Unaona. Si tu fais cela. Kama ukifanya vile. Si tu fais cela. Kama ukifanya vile. Ton travail. Kazi yako. Aura un salaire. De la part de l'Éternel. Ya upande ya wa milele. Frère. Duku. Toute chose que nous faisons pour Dieu. Kitu kyote kile tunamufanyia Mungu. A un bon salaire. Kiko na mshahara mzuri. Ce que tu sèmes. Ile unapanda. Tu vas le moissonner. Utaivuna. Ce que tu vas moissonner. Utavuna. C'est ça ton salaire. Ya mshahara yako ile. C'est vrai frère. Bia kweli ntuku. Quand d'autres personnes. Wakati watu wengine. Méprisent Dieu. Bo banaombe ula Mungu. C'est loin de l'Éternel. Anaenda mbali na wewe. Ils vivent dans le péché. Anaishi mzambi. Dans la désobéissance. Mungu tokutii. C'est ça pour nous le moment favorable. Sisi kwetu njo wakati ya mapaa. De nous fortifier en Dieu. Ya kuritia Mungu fidèle à Dieu. Ya kuamini dans la société. Ya kutembea dans la justice. Et dans la droiture. Waki na uongo. Pour profiter. Ya kufaidia. Des faveurs de notre Dieu. Ma faida ya Mungu wetu. Quel encouragement. Dieu l'avertit premièrement. Mungu anakuanza na mkanga. Pour qu'il n'aille pas emprunter la voie du mal. Dieu a chingi la première des choses. Deuxièmement. Donc ya kwanza kya pili. Dieu l'exhorte. Mungu anamfundisha. Anamtia moyo. A demeurer et à évoluer dans le bien. Ya kwamba adumu na endelee mkutenda mema. Mais quand Asa a entendu cela. Alakini wakati Asa alisikia vile. Comme il n'était pas encore pleinement plongé dans le mal, il écouta la voix de l'homme. Il écouta l'avertissement de Dieu. Sawa vile alikuwa wale kujitumbukiza kabisa kabisa mubaya, lakini alimusikia Mungu. Parce qu'il y avait encore en lui de bonnes choses. Jundani yake mukora mukingariki vitu vizuri. Dans deuxième chronique au chapitre 16. Mambo ya siku ya pili sura chapitre 15, chapitre 15 s'il vous plaît. Sura yake ni 15. Frère, ndugu, ma sœur, dada yangu. Regardez le verset 5. Commençons au verset 3. Pendant longtemps, il n'y eut pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseigne, ni loi. Muda mrefu, kukakuwa ku Israël, akukuwe wala Mungu wa kweli, wala mkuani mwenye kufundisha, wala sheria. Quand un peuple sans Dieu, wakati taifa inakuwa bila Mungu, frère, c'est l'enfer. Ni yadeza, ni mumoto. Quand un peuple vit sans loi, wakati taifa inaishi bila sheria, frère, tuku, c'est les ténèbres. Ni magiza. C'est la parole de Dieu ni neno la Mungu qui est une lampe à nos pieds. Jo yenye kwa taa kumiguu zetu. Mais quand il n'y a plus de parole, wakati hakuna tena neno la Mungu, c'est fini. Kunaisha. C'est quoi vous remarquez? Jo kama na mtaona dans toutes les chutes de réveil, mukuanguka kote kwa maamsho, Satan commence d'abord par attaquer la parole de Dieu et attaquer les serviteurs qui sont les porteurs de la loi de Dieu. Shetani ananziaka kwanza kukombanisha neno la Mungu na kukombanisha batumishi ya Mungu benye kwa na neno la Mungu. Quand un peuple vit, wakati taifa, un enseignement, wakati taifa ikunaishi, de la vérité, bila mafundisho ya ukweli, c'est très grave ça. Ni hatari ile. Qui peut marcher correctement? Nani anaweza kutembea mzuri? Quand il n'y a pas de loi, wakati hakuna sheria, chacun marche comme il entend. Kila mtu yuko natembea vile yuko naona. Qui va conseiller l'autre? Nani atashauria mwingine? C'est un désordre. Ni fujo mfujo. C'est pourquoi Dieu pour son peuple. Je crois maintenant Mungu Dieu ya taifa yake dans tous les temps. Mumanyakati yote. Il n'a jamais abandonné son peuple sans témoin. Yevalo kwa chaka taifa yake. Il n'a jamais abandonné son peuple sans son serviteur. Yevalo kwa chaka taifa yake. Pour le peuple de Dieu. Ya taifa ya Mungu. Il y a toujours un serviteur. Mumekala kakila mara Mungu. Parle de la part de Dieu. Mwenye kusema pour que les élus marche dans la clarté. Juya bateule wapate kutembea katika mwangaza. La confusion n'est pas mufuru dans le royaume de Dieu. Aikalake mufalme ya Mungu. La confusion mufuruko caractérise le peuple qui a déjà désigné c'est la parole. Ikunatambulisha wala ikunonekanisha taifa ile inesha kuacha neno la Mungu. Oui bien aimé frère. Dio ntuku mpe. La Bible dit dans le verset 4. Biblia inasema mstari ya 4. Mais alakini au sein de leur détresse, mwile mangaiko yabo, ils sont retournés à l'Éternel, bakamurudiria wa milele, le Dieu d'Israël, Mungu wa Israeli, ils l'ont cherché, bali mtafuta, et ils l'ont trouvé. Na bali mpata. Vous voyez, munaona, dans ce temps-là, mwile wakati, point de sécurité, akuko ukingo, pour ceux qui allaient et qui venaient. Kwa wale walikuwa naenda na kurudia. Car, wani, il y avait de grands troubles parmi tous les habitants du pays. Kulikuwa mfuruko mnene katikati ya wakaji. On certait. Walikuwa na kombanishana. Peuple contre peuple. Taifa contre taifa. Ville contre ville. Muji na kombanishana. Mungu alikuwa na basurusha. Par toutes sortes d'angoisse. Na mangaiko yote ya kila aina. Mais regardez l'amour de Dieu. Sasa tazameni mapendo ya Mungu. Pour Asa, pour Gida, et pour Benjamin. Benjamin. Et Dieu dit maintenant, vous donc, vous, royaume d'Israël, royaume de Juda, fortifiez-vous. Et ne laissez pas vos mains affaiblir, s'affaiblir. Mushache mikono yenu kulekea. Car il y aura un salaire pour vos œuvres. Kwani kutakuwa mshahara kwa kazi yenu. Il y aura un salaire pour vos œuvres. Mutapata mshahara kwa ajili ya kazi yenu. Matendo yenu. Dieu est descendu. Mungu alishuka. Pour leur dire. Kukubambia. Asa. Juda. Benjamina. N'agissez pas comme l'autre royaume d'Israël. Mushitende sawa ile ufalme mwingine ya Israeli. Comme ils sont dans l'angoisse. Vile wao wako katika mangaiko. Ils passent des moments de trouble. Wanapita wakati ya mgumu. Ils n'ont pas Dieu. Dieu hawana na Mungu. Ils n'ont pas d'âge de loi. Hawana na sheria. Ils n'ont pas de vrai sacrificateur. Hawana na kuhani wa kweli. Ile ndio la vérité. Wafundisha ukweli. Profitez-en. Faidie mwe wakati. Pour vous fortifier. Mulitie nguvu. Dala en Dieu. Ndani ya Mungu. Pour vous fortifier. Mulitie nguvu. Dala loi. Ndani ya sheria. Pour vous fortifier. Mulitie nguvu. Dala vérité. Katika ukweli uzore installer pour vous utapata mshahara kwa ajili ya kazi yenu ile. E na Juda après avoir entendu kisha yeye kusikia cet avertissement ima kalamusho et cette exhortation na ima subutisho ils écoutèrent walisikia. Frères et sœurs, duku na dada, quand Dieu te parle, wakati Mungu anakuambia, il faut écouter. Inapashi usikie. Tu écoutes pour le bien de ton âme. Huko nasikia ni juu ya bizuri ya nafsi yako. Tu écoutes pour ta paix. Unasikia ni juu ya salama yako. Tu écoutes pour être épargné. Unasikia juu trouble et d'angoisse. Unasikia juu pate kuepushwa na mangaiko na mfuruko. Mais le mal les gens n'écoutent pas quand Dieu parle. Lakini kibaya ni ya kwamba watu wasikia wakati Mungu yuko anasema. Job kibaya ni kile. Quand quelqu'un a déjà pris la décision. Wakati mtu ashachukua mipango. De marcher dans la voie du mal. Ya kutembea munjia ya bubaya. Les gens n'écoutent plus. Bantu awashikia tena. L'homme n'écoute plus. Ule mtu atashikia tena. C'est vrai. Ni bya kweli. Quand un homme, wakati une femme, wala mwanamke, a déjà résolu de marcher dans la voie du mal, kutembea munjia ya bubaya, il se plaît dans cette voie-là, dans cette nouvelle voie-là qu'il a embrassée, souvent les avertissements et les exhortations de Dieu deviennent pour lui comme une insulte. Sawa matukano matusi. Mais nous ne le faisons pas. Lakini sisi tushifanye vile. Lorsque le pasteur t'appelle, wakati pastori anakuita, l'ancien t'appelle, mzee anakuita, le diacre t'appelle, shemashi anakuita, un frère t'appelle, ndugu fulani anakuita, une sœur t'appelle, dada fulani anakuita, il dit mon frère ma sœur, anakuambia ndugu yangu dada yangu, sikiliza, tu vois la voie que tu as empruntée là, unaona hii njia unayoenda, ce n'est pas la voie, il nous a toujours été enseigné, ile wanatufundisha kila mara hapa, tu as abandonné maintenant la vérité, unaacha ukweli, tu veux maintenant aller dans le mal, unapenda. Arrête cela, ne fais pas cela. Écoutez. Et Dieu na Mungu aura pitié de vous. Ata kushikilia buluma. Mais ce qui m'a surpris, ile nishitusha nishangaza. C'est beaucoup apprécié. Na ile mirifurahikia. Dans le comportement d'Asa. Munamna ya kutenda ya Asa. Même de tout Juda. Ata ya Yuda mzima. Car l'homme de Dieu. Wakati mtumishi wa Mungu. Est venu leur avertir. Alikuja tu akubakana musha. Elle leur encouragea demeurer dans la vérité. Nakubatia moyo bakangamisha badumu mu kweli. Ils ont écouté. Barisikiliza. Ils se sont arrêtés. Na, dans la voie du mal. Barishimamisha ile njia ya bubaya. Ils ont pris maintenant la décision de chercher Dieu de tout leur cœur. Ya kumutafuta Mungu na moyo wao yote. Ah, ça commence pas et tout Juda pas restaurer l'autel. Asa na Yuda mzima wakaanza kuanza kurudisha kuanzia kurudisha mazao. Unaona? Asa et tout Juda na Yuda mzima commence par restaurer l'hôtel. Wanaanzia kuanza pa kurudisha mazao. Mais quand vous voyez au début de l'événement, vous croirez que Dieu parlait en vain. Son avertissement ne s'est pas passé sur quelque chose. Dieu avait déjà vu l'hôtel qui était souillé par les abominations. Kasa avepi dans les montagnes d'Ephraim. Mungu aliona mazabu yake ilikuwa yenye kuchafuliwa na makufuru ile Asa alibeba. Lakini wakati Asa alisikiliza, alichukua mpango de restaurer l'hôtel de l'Éternel. Yeye kurudisha mazabu ya wa milele. Vitengeneza. C'est vrai. Bia kweli. Et l'hôtel fut restauré. Na mazabu walirudisha, walitengeneza. Alichukua mpango ya kumtafuta Mungu na moyo wao wote. Ils se sont fait un vœu. Walijifanyia viapo. Il y a quelqu'un dans tout Judas. Anasema kama kuko kwa mtu mu Yuda mzima. Qui ne veut pas chercher l'Éternel. Mula shipende kumtafuta wa milele. Et qui ne veut pas rester fidèle à la loi de l'Éternel. Anakatala kubakia mwaminifu kwa Mungu. Tomela mtu ne mérite pas de vivre. Ashistahili kuishi. Quel engagement. Mpango kanile. Même si c'était déjà engagé sur la voie du mal. Hata kama alikuwa anashanza. Notre Dieu. Mungu wetu. Riche en miséricorde. Yeye ni mtajiri mrema. Même si quelqu'un hata kama mtu a déjà un pas dans le mal, anaisha kuingia tuwa moya la résolution kama kitua mpango ya ye pour faire le mieux, kutenda bien vizuri, l'Éternel écoutera sa prière, wa milele atasikiliza maombi yake. C'est vrai, ni vya kweli. Ils avaient pris de bonnes décisions, alichukua mpango mzuri. Il voulait mettre la marche dans la fidélité. Sasa walipenda watembea katika uaminifu. Juu ya nini? Ils étaient devenus infidèles. Juu alikuwa bakukosa uaminifu. Ils avaient restauré l'Éternel et l'hôtel de l'Éternel. Walirudisha mazao ya Mungu. Ils l'avaient déjà souillé. Juu bo wenyewe walichafua. Il dit quiconque. Akasema yeyote. Ne marchera pas dans la fidélité envers Dieu mbele ya Mungu, et envers sa loi mbele ya sheria yake, il sera mis à mort. Ule mutu atauawa. Quelle décision. Ni mipango kanile. Et quand Dieu vit cela, wakati Mungu aliona vile, quand Dieu vit cela, wakati Mungu aliona vile, Dieu vit qu'il est cherché de tout son de tout leur cœur. Mungu aliona kwamba walikuwa wanamtafuta na moyo wao wote. Et qu'il avait pris la décision. Na walichukua mpango. De marcher dans la fidélité. Ya kutembea katika uaminifu. Dieu était obligé. Mungu alilazimisha. De revenir vers eux. Apate kuwakaribia. Après cet engagement. Kisha ile mipango. Asa. A fait une chose terrible. Alifanya kitu kimoja. Extraordinaire. Cha ajabu. Il enleva même à sa mère. Il enleva à sa mère. Akamunyanganya mama yake. Ah, la dignité de reine. Ah, bu, il est cheo ya bu malkia. Oui. Il a enlevé à sa propre mère. Alimunyanganya mama yake. La dignité de la reine. Il est cheo ya bu malkia. Parce que sa mère. Je mama yake. C'était déjà fait. Alijifanshia. Une idole d'Astarté. Sanamu ya ule Astarté. Voyez que l'avertissement de Dieu ne fait pas vain. Munaona ya kwamba makalamushi ya Mungu haiko ya bure. Kanisa nafuata. Quand on commence à t'avertir. Wakati wananza kukalamusha. Même si on ne dit pas beaucoup de choses. Hata kama wakwambia vitu mingi. Même si on te révèle pas ce que toi tu as fait. Hata kama wakufunulie bila ulifanya. Comprenez que. Wewelewe ya kwamba. Vous avez déjà embrassé la voie du mal. Unesha ingia. L'esprit de Dieu te voit déjà. Ya mubaya ya Mungu anesha. Roho ya Mungu anesha kuona. C'est pour Dieu t'envoie. Kwa maana Mungu. Son serviteur pour t'avertir. Ana kutumia mtumishi wake juu ya kukalamusha. Hey. Duku. Ma soeur, dada yangu, quand je parle, wakati Mungu yuko nasema na wewe usikie. Quand je t'avertis, écoutez. Wakati Mungu anaukalamusha usikie. Abandonnez la folie. Wache bazimu. Abandonner la désobéissance. Tu seras heureux. Dans 2 Chronique 15, verset 8. Mambo ya siku après avoir entendu ces paroles, maneno haya, et la prophétie d'Obed, le prophète, na ile matabiri ya ule Obed na Asa se fortifia et fit disparaître les abominations de tous les pays de Juda et de Benjamin, na katosha makufuru yote ya inchi mzima ya Yuda na ya et de ville, na ya miji, qu'il avait prise dans les montagnes d'Ephraïm. Et il restaura l'autel de l'Éternel qui était devant les portiques de l'Éternel. Na akatengeneza mazabu ya wamilele ili kwa mulango ya wamilele. Quand Dieu est venu là, wakati Mungu alikuja, il n'a pas donné beaucoup d'explications à Asa et à Juda. Vous avez fait ceci, vous avez fait cela. Mungu ashikulete mafasilio mingi kwa Asa na kwa analeta tu akalamusha mule. Asa na Juda ikutee. Asa na Juda msikilize makalamusha. Notre Dieu, Mungu wetu n'est pas compliqué. Et kalake wa nguvu. Si vous êtes avec lui, kama mko naye, il sera avec vous. Naye atakuwa na mweye. Mais si vous l'abandonnez, lakini mkimwacha, naye atamiacha. Vous voyez? Munaona? Et je vous conseille. Na mimi namshauri. Regardez comment. Tazameni namna gani. Ufalme wa Yuda ya Yuda inatembea. Fortifiez-vous. Lakini moyo mlitie nguvu. En Dieu. Ndani ya Mungu. Continuez à faire le bien. Muendelee kufanya vizuri. Mtakuwa msalama. N'abandonnez pas l'Éternel. Vous allez tomber dans les troubles. Tanguka. Comme votre comme le royaume d'Israël. Utanguka mufuruko sawa ufalme ya Israel. Je vais vous épargner de tous ces mots-là. Mungu anapenda miepusha ile mateso yote. N'allez pas de ce côté-là. Mshende le ngambo. Que vous voulez aller. Retournez. Mwenye mrudie. Si vous faites le bien, ukifanya vizuri, Dieu va vous payer. Mungu atamilipa. Qui avait bien parlé? Mungu alisema mzuri. C'est vrai, frère. Ya kweli nduku. Mais Asa avait écouté. Lakini Asa yeye alisikiliza. Il avait écouté. Alisikiliza. Nous devons écouter quand Dieu nous parle. Tu n'as pas su kusikiliza wakati Mungu anatuambia. Oui, frère. Dio nduku. Nous devons toujours écouter quand Dieu nous parle. Wakati Mungu anatuambia. Lorsque Dieu nous envoie un avertissement, nous devons toujours écouter. Tu n'as pas su kusikiliza. Oui, bien-aimés frères et sœurs. Si vous n'écoutez pas, kama usikilize, vous rencontrerez le mal. Utakutana na bibaya. Un chrétien, mon Christo, une chrétienne, mon Christo, mon amour, un véritable fils ou fille de Dieu, toto, mon amour, il mon amour, a un cœur flexible. Et qu'on a moyo ya kulekelea. Vous dormez, mnalala, je vais bientôt m'arrêter. Sasa hivi un véritable chrétien, mon Christo, a bien quelli, il a un cœur flexible. Et qu'on a moyo ya kulekelea. Il est flexible devant Dieu. Il est flexible devant la parole de Dieu. Il est flexible devant les avertissements de la parole. Il est flexible devant les encouragements de Dieu. Dès que Dieu lui dit, c'est ce qu'il veut faire. Si Dieu l'arrête de faire quelque chose, Dieu lui dit de faire quelque chose, il s'arrête aussi. C'est vrai, frère. C'est ce que nous devons être. Nous devons avoir des cœurs flexibles, des cœurs qui peuvent s'humilier facilement devant la parole de Dieu. Wa wepesi mbele ya neno la Mungu. Écoutez. Wakati Mungu anasema usikie. C'est pour votre bénédiction. C'est pour votre bénédiction. Ni juu ya baraka yenu. Dans Proverbe 25. Je vais m'arrêter. Mithali 25. Dans son verset 12. Mstari ya 12. Un anneau d'or. Sawa vile kikomo ya dhahabu. Et une parure d'or fin. Na kujipamba kwa zabu. Ainsi pour une oreille docile, hivyo hivyo na sikio ya kutii. Et le sage qui réprimand. Na mwenye hekima mwenye ukemea. Vous voyez? Unaona? Ainsi pour une oreille docile, hivyo hivyo hivyo na sikio yenye kutii. Pour le sage qui réprimand. Wa ule mwenye hekima ule kona kemea. Le sages qui réprimandait, c'était Dieu. Ou mwenye kima mwenye ukemea ni Mungu. Mais celui qui a eu une oreille docile, c'est Asa est un Juda. Ule alikuwa analisikia ya kusikia ni Asa na Yuda mzima. Et quand ils ont été dociles, wakati walimtii Mungu, ils ont mangé le meilleur fruit du pays. Walikula matunda mzuri ya nchi. Oui, bien aimé frère. Dio ndugu na dada mpendwa. Oui, bien aimé sœur. Dio dada mpendwa. Quand je parle, wakati Mungu anasema, il faut toujours écouter. Quand je parle, il faut toujours écouter. Wakati Mungu yuko anasema inapasha kila mara kusikia. Dans la voie de la folie, arrêtez votre folie. Wakati Mungu anakusimamisha, simamisha. Dans la voie de la désobéissance, anakusimamisha. Arrêtez votre désobéissance. Mungu anakusimamisha munjia kutokutii. Quand Dieu t'arrête sur votre voie d'incrédulité, abandonnez l'incrédulité, tu auras la paix. Mungu anakusimamisha munjia kutokuamini na wewe usimamishe kutokuamini utapata salama. C'est vrai. Bien kweli. Ézéchiel. Prenons d'abord le chapitre 3. Tuchukue kwanza sura 3. Ézéchiel. Oui. Dio. Bien. Mzuri. Ézéchiel chapitre 3. Ézéchiel sura 3. Prenons le verset 17. Tuchukue mstari wa 17. Vous pouvez aller avec ça jusqu'au verset, jusqu'à la fin. Unaweza kusoma kufika na kumwisho. Fils de l'homme, j'étais établi comme une sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras. Quand tu diras aux méchants, tu mourras. Si tu l'avertis pas, si tu parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voix et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et moi je te redémarre. Son sang. Mais si tu avertis le méchant, et qu'il se détourne de sa méchanceté et de sa mauvaise voix, voyez, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Si le juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra. Parce que tu ne l'as pas averti, il mourra dans son iniquité. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée et je te demanderai son sang. Mais si tu avertis les justes de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra parce qu'il s'est laissé avertir et toi, tu sauveras ton âme. Vous voyez frère, Asa était un homme juste. Asa alikuwa mtu wa uwaki. Il faisait ce qui est bien. Alifanyitwa kunyoloka mbele ya Mungu. Dieu est venu vers lui. Mungu alikuwa kwake. Dieu l'a averti. Mungu alimkalamusha. Il a écouté. Na yarisikiliza. Vous voyez? Et quand il a écouté, wakati alisikiliza, il a épargné son âme. Aliepusha nafsi yake. Mais quand quelqu'un, je vais y revenir demain, je vais commencer par ici demain. Quand quelqu'un est juste, il est un homme droit. Maintenant, il empêche la voie du péché. Dieu l'avertit. Mais lui, il continue dans le mal. Il ne se laisse pas avertir. Toute sa justice sera oubliée. Mais qui est avec moi, Dieu ne comptera plus. Il est visuel, bien tarifagne à pan. L'église est avec moi, je vais m'arrêter. Quand un homme marchait dans la droiture, wakati mtu alikuwa anatembea katika unyofu, katika uwaki, Dieu l'averti. Mungu anakuwa mkalamusha. Mais cet homme-là, il s'endurcit dans le mal. Anafanya moyo mgumu mbaya. Anakatala kusikiliza. Atakufa. Et Dieu, Mungu yeye, va oublier tous les biens. Atasabu vizuri vyote. Uwaki yake yote bataisabu. Unaona ndugu mpenzi. Le mal qu'il commet, Mubai vous l'avez fait, vous avez changé tous les biens qu'il a déjà fait, vous avez changé tous les biens qu'il a déjà fait, et il sera châtié pour le mal qu'il fait. L'église est avec moi. C'est C'est pourquoi nous sommes dans une obligation de marcher continuellement avec Dieu, de persévérer dans les biens jusqu'à la fin de notre séjour terrestre. Si tu avais bien commencé, vous arrivez à la 20e année, vous abandonnez la parole, les 20 années qui sont derrière toi tombent dans l'eau. Dieu ne comptera pas tous les bienfaits que tu avais fait. Toutes tes prières seront oubliées. Baraka, malédiction. C'est vrai, frère. C'est pourquoi notre Dieu, c'est un Dieu à craindre. On ne s'habitue pas avec Dieu. Non. Nous ne devons pas nous habituer à Dieu, non. Nous ne devons pas nous habituer avec la parole, non. Atupashi kuzobelea neno la Mungu, hapana. La parole que tu as entendue hier, si on la répète aujourd'hui, elle est encore valable qu'hier. Elle sera valable encore demain. Si vous dites non, on l'a dit hier, on dit que si la pratique, il n'y a pas un problème. Leo, kama mishi itenda, que le problème a commencé là. Welewa, sema mambo inanzia pale. Tu as marché pendant 50 ans avec Dieu. Et tu abandonnes seulement Dieu. Tu embrasses la voie du mal. Tous les biens que tu as déjà fait tombent en pourriture devant Dieu. Inaanguka sawa biozo mbele ya Mungu. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Nous allons commencer par ici demain. Tutanzia hapa kesho. Ces choses ont été écrites pour nous donner, pour nous servir d'exemple et d'instruction à nous. Oh moi j'ai déjà fait. Oh moi j'ai prié, j'ai répondu, quand tu marchais avec Dieu, quand tu étais fidèle. Quand tu étais fidèle, quand tu étais obéissant, maintenant aujourd'hui, sasa leo, je ne peux pas te répondre. Mungu hawezi tena kujibia. Levons-nous pour la prière. Tusimame juu ya maombi. Nous devons servir notre Dieu avec crainte et tremblement. Servons Dieu avec crainte et tremblement. N'abandonnez pas Dieu à mi-chemin. Dieu honore sa parole plus que tout le monde. Dieu sera avec toi. Dieu sera avec nous aussi longtemps que nous marcherons dans sa parole. Les jours que vous abandonnez, les jours que nous abandonnons la parole, nous abandonnons Dieu, Dieu aussi nous abandonne. Prions.